Bonjour aux fidèles de l'émission Forum Jeune, bienvenue à cette émission qui donne la parole aux jeunes. Forum Jeune, c'est votre émission que vous suivez chaque lundi à partir de 17h sur la radio Isanganiro. Au micro, vous êtes avec moi, Pacifique Chubahiro. La commission Vérité et Réconciliation vient de passer 2 ans au service. Cette commission a le mandat d'enquêter sur les grands événements qui ont endeuillé le Burundi depuis 1962 à 2008. Aujourd'hui, certaines personnes semblent moins connaître les activités de la commission, alors que sa réussite dépend en partie de la contribution de tous les Burundais. Parmi ces personnes, il y a une grande catégorie de jeunes qui semblent ignorer les activités de la CVR. Pourtant, selon les avis des analystes, un processus de justice et réconciliation doit concerner les jeunes car il revient à eux de préserver les acquis des travaux de telle commission. Dans cette émission Forum Jeunes de ce lundi, nous revenons sur l'implication des jeunes par la CVR ainsi que la valeur ajoutée d'une telle implication dans des processus de mécanismes de justice transitionnelle. Dans cette émission Forum Jeunes de ce lundi, nous revenons sur l'implication des jeunes par la CVR ainsi que la valeur ajoutée d'une telle implication dans des processus de mécanismes de justice transitionnelle. Nous allons donner la parole aux jeunes et un spécialiste qui va nous éclairer sur une telle implication. Pacifique Chubahiro au micro, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous avons tendu le micro à Patience Kolibilema et médiatrice Nyokindi, deux jeunes lauréats qui ont travaillé sur la thématique de justice transitionnelle dans leurs travaux de fin d'études à l'Université du Burundi. Tous disent que les jeunes connaissent moins les activités de la commission Vérité et Réconciliation. Pour Patience Kolibilema, cette commission Vérité et Réconciliation n'est pas elle-même connue par la population. C'est une question qui en appelle à une autre. Vous dites, vous me posez la question si les jeunes se sentent associés ou s'ils trouvent de l'intérêt dans ce mécanisme de la commission Vérité et Réconciliation. Alors je dis que c'est une question qui en appelle à une autre parce que pour que la jeunesse puisse se sentir associée, il faut d'abord qu'ils puissent connaître l'existence de cette commission. Alors notre constat moins fouillé semble indiquer qu'une bonne partie de la jeunesse n'est pas au courant de l'existence de cette commission pour des raisons, d'ignorance ou autre. La plupart des jeunes qui sont informés sur cette commission, c'est une jeunesse connectée, une jeunesse qui a accès aux médias et aux nouvelles technologies. Je pense qu'il y a là un handicap du fait que la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse ne connaît pas la commission Vérité et Réconciliation. Néanmoins, on ne pourrait pas aussi dire que c'est toute la jeunesse, mais il y a une autre partie de la jeunesse qui est au courant de l'existence de cette commission. Ils savent que c'est une commission qui est issue des négociations d'Arusha. Ils savent que c'est une commission qui va traiter le passé. Et c'est juste à ce niveau-là qu'ils ont connaissance de cette commission. Mais la question logique qui existe là, est-ce que cette jeunesse se préoccupe vraiment des activités de la commission? C'est là où il y a un problème et je trouve que la jeunesse devrait être associée, devrait se sentir concernée par cette commission parce que c'est une commission qui aura à remédier l'avenir de notre jeunesse. Les jeunes burundais ne se sentent pas associés aux activités de la CVR et pour beaucoup de raisons, certes que j'ignore, mais ce qu'il faut savoir c'est que les jeunes burundais dans les activités de la commission Vérité Réconciliation, leur part n'est pas manifeste. Elle n'est pas manifeste alors qu'elle devrait être très manifeste parce que la population burundaise, comme vous le savez, est composée par la plupart des jeunes. Pour dire que la part des jeunes dans les activités de la commission Vérité et Réconciliation devrait être grande. Aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse perd si elle ne s'intéresse pas aux activités de la CVR? La jeunesse perd beaucoup de choses si elle ne s'intéresse pas aux activités de la commission Vérité et Réconciliation parce que comme la mission de la CVR est la recherche de la vérité et la réconciliation sur le passé douloureux burundais, les jeunes ont été beaucoup souffert par des crises qui ont endeuillé le Burundi, c'est-à-dire ils ont des blessures dans leur cœur, raison pour laquelle ils devraient participer dans les activités de cette commission pour soulager leurs blessures et essayer de contribuer à la recherche de la vérité pour cette commission. Patience, est-ce que, comme vous venez de le dire, il y a vraiment intérêt à ce que les jeunes s'intéressent aux activités ou aux mécanismes de la justice transitionnelle, notamment les activités de la CVR? La jeunesse devrait obligatoirement s'intéresser à ce mécanisme parce que, en fait, elle est d'abord le premier bénéficiaire. Ensuite, je crois que la CVR a été mise en place en vue de stopper le cycle de violence, la répétition de l'histoire, parce que l'histoire du Burundi a été jalonnée par de crises cycliques qui ont toujours eu les mêmes causes et les mêmes effets. Alors on doit stopper ce cycle, on doit stopper cette répétition de l'histoire. Sinon, nous, jeunes, nous ne pourrions pas avoir un avenir radieux. On pourrait rester dans les mêmes cycles de violence. Pour un jeune aujourd'hui, s'il dit « ce qui s'est passé, c'est du passé, ça concerne nos parents, nos pères, nos grands-parents. » De toute façon, en tant que jeune aujourd'hui, je suis conscient de ce que je dois faire. Est-ce que ce jeune, d'une manière ou d'une autre, a intérêt à savoir exactement ce qui a été le passé, ce qui est l'objet des activités de la CVR? Oui, nécessairement, parce que en fait, la jeunesse a été impliquée dans le passé. Et les violences qui ont été commises dans le passé ont été commises par des jeunes instrumentalisés. Alors, la commission a pour objectif de rechercher la vérité qui a été longtemps cachée par les politiques ou bien les acteurs de ces mêmes crises. Alors, cette fois-ci, la jeunesse doit savoir la vérité. On ne connaît pas jusqu'à maintenant la vérité. On doit rechercher la vérité pour tirer des conclusions. Alors si la jeunesse ne recherche pas la vérité pour tirer des conclusions, alors ce sera l'histoire qui se répétera encore. Et je crois que la jeunesse n'a pas intérêt que l'histoire se répète. En peu de mots, je peux dire que la jeunesse a besoin de cette vérité, a besoin de suivre le mécanisme de justice transitionnelle pour deux raisons. D'abord, elle a été instrumentalisée et ne devrait pas être instrumentalisée. Ensuite, elle doit préparer son avenir, un avenir paisible. Et pour cela, il faut d'abord tirer les conclusions du passé par la recherche de la vérité et par la justice pour les crimes non amnistiables. Voilà. Pour Aloïse Watungwana, chercheur sur les questions de justice transitionnelle, il faut distinguer les jeunes dont il est question. En matière de justice transitionnelle, les jeunes sont aussi des acteurs clés dans ce genre de processus. La première chose, c'est de savoir, lorsque vous parlez de jeunes, c'est des jeunes de quel âge à quel âge. Aujourd'hui, la loi burundaise définit la jeunesse de 18 ans à 35 ans. Donc, en partie, la question de la commission de vérité et conciliation, à un certain moment, sans le savoir même, s'intéresse en quelque sorte de la jeunesse, mais pas comme la jeunesse, mais parce que il y a une partie de la jeunesse burundaise qui est impliquée dans les actes de violence, qui soit sont témoins, soit sont des victimes, ou tout simplement soit sont des présumés auteurs. Si on parle de 18 ans à 35 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui sont des orphelins directs des violences qui ont eu lieu. Donc, cette catégorie de gens intéresse beaucoup la commission de vérité et conciliation. Il y a des jeunes de moins de 35 ans qui sont parmi les présumés auteurs des violences qui ont eu lieu ici au Burundi, surtout depuis 1993. Donc cette catégorie des gens est impliquée, concerne plutôt la commission vérité et réconciliation. Mais en tant que jeune jeunesse, la commission vérité et réconciliation aujourd'hui ne s'occupe pas vraiment de la jeunesse pour l'impliquer dans le processus total de la recherche de la vérité et de la réconciliation. Mais si on parle des jeunes, même ceux qui ont 35 ans, à l'époque, juste pour une grande période, ils étaient encore jeunes. Est-ce que vraiment dans l'ensemble, on peut dire que les jeunes sont vraiment impliqués dans les actes qui seront objets d'enquête de la CVR? Bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment impliqués, directement d'ailleurs, impliqués dans le conflit, soit comme victime, soit comme présumé auteur, soit comme témoin. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il suffit d'aller même à l'école ou dans la vie courante, les cultivateurs, les fonctionnaires, on trouve beaucoup de victimes de 1993. Lorsqu'on parle de 1993, comprenez bien que cette crise a duré jusque 2006. Il y avait toujours des violences ici dans la province de Bujumbura jusque 2006. Il y a des gens qui ont perdu perdu plutôt les leurs, qui étaient dans les écoles secondaires. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Bouta. Les gens qui étaient à Bouta sont, pour certains, sont toujours des jeunes. Ils étaient à l'école, disons, ce qui était en 7e année, en 97. Aujourd'hui, ils ont moins de 35 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont directement victimes. Et parmi les auteurs, les présumés auteurs plutôt, on trouve des gens qui ont moins de 35 ans, qui ont participé directement dans les mouvements armés comme des enfants soldats. Ça, ce sont des présumés auteurs ou victimes même. Donc, cette catégorie de gens, la CVR travaille là-dessus. Mais en tant que département des jeunes, en tant que jeunesse et département de la jeunesse, la CVR n'a pas vraiment un focus sur la population jeune jeunesse, ce qui est un manquement, parce que ne pas inclure dans ces travaux la jeunesse en tant que jeunesse, c'est rater une part de la vérité, c'est rater une part de l'histoire, parce que aujourd'hui comme hier, la jeunesse constitue plus de 60% de la population burundaise. Mais si les jeunes sont plus ou moins intéressés par les activités de la CVR, la question actuelle est de savoir si la commission Vérité et Réconciliation pense à impliquer les jeunes dans les différentes activités. Pour médiatrice Nyokinde Patience et Kolibilema, il y a un effort de la part de la commission Vérité et Réconciliation, même si un grand pas doit être fait dans ce domaine. On pourrait dire qu'en partie, la CVR s'intéresse aux jeunes. Et je pourrais vous donner des exemples. En effet, à travers certaines activités et fonctionnement de la CVR, les jeunes ont été impliqués. Et à titre d'exemple, je crois qu'il y a 6 mois, la CVR a engagé 6 jeunes lauréats de l'Université du Burundi pour qu'ils puissent faire un travail de recherche documentaire. À ce point-là, on voit que la CVR, je dirais, aurait eu l'intention de donner ce travail à des jeunes qui n'ont pas beaucoup de liaison avec l'histoire du conflit burundais, afin qu'ils puissent vraiment faire un travail plus ou moins impartial. Et à ce moment-là, on voit que la jeunesse a été impliquée. Et en deuxième lieu, il y aurait un programme de formation d'enquêteurs bénévoles à travers tout le pays. Et parmi ces derniers, une bonne partie de la jeunesse sera impliquée. Et toutes ces initiatives montrent que la jeunesse participe d'une manière ou d'une autre dans les activités de la CVR. Toutefois, ces efforts devraient être renforcés davantage. C'est ce que vous étiez en train de dire. Je trouve que la jeunesse n'est pas beaucoup impliquée. C'est pas seulement à ces deux points que l'intervention de la jeunesse devrait se limiter. Il faut qu'il y ait d'abord, comme je l'ai déjà dit, une sensibilisation de la jeunesse. Que la CVR puisse faire une sensibilisation de la jeunesse pour que la jeunesse puisse prendre conscience de sa part dans le fonctionnement de la CVR et dans les mécanismes de la justice transitionnelle. Justement, si vous constatez qu'on a intérêt à associer les jeunes, est-ce que vous voyez que la CVR fait son possible pour associer les jeunes? La CVR fait son travail d'associer les jeunes à la commission parce que je ne regrette pas ou bien je ne doute pas que la CVR, les portes de la CVR sont ouvertes à tout le monde, y compris les jeunes. La CVR n'est pas faite pour les vieillards, la commission est faite aussi pour les jeunes, sinon les jeunes continueront à vivre les rumeurs léguées par leurs parents qui vont engendrer de nouvelles crises cycliques après la situation d'aujourd'hui. Justement, comment cette implication devrait se concrétiser pour plus de compréhension des activités de la CVR par les jeunes? La CVR devrait d'abord donner une parole à la jeunesse pour qu'elle puisse soumettre leurs doléances par rapport à leur passé pour éviter que le passé se reproduise encore une fois. Parce que si on regarde la jeunesse, elle est nombreuse. Si la jeunesse fait quelque chose, le Burundi aura un soulagement par rapport au passé que le Burundi a connu, qui est douloureux. Pour Aloïse Batungwana, chercheur, il est très important pour la CVR de faire impliquer les jeunes. Pour lui, ceux qui ont commis des crimes pendant leur jeunesse ont beaucoup à enseigner la jeunesse d'aujourd'hui, notamment pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Il suggère un département qui puisse s'occuper exclusivement des jeunes au sein de la CVR. Bien entendu, il suffit au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, il suffit de créer d'autres départements. Moi, je l'appelle département, ils peuvent l'appeler, je ne sais pas, détachement qui concerne la jeunesse, pour qu'il y ait, par exemple, des jeunes de l'époque de violence. On sait très bien qu'en 65, il y a eu des jeunes qui ont été cités, comme les jeunes qu'on appelait les jeunes millénicanos, la jeunesse millénicanos, c'était la jeunesse. Aujourd'hui, ils sont des vieux, mais qui peuvent venir pour témoigner quel a été leur rôle dans ce qui s'est passé à Usangana et Usimba au moment où ils étaient jeunes. C'est un exemple. En 72, il y a eu des jeunes, surtout comme on était dans un parti politique unique, il y a eu des jeunes de la jeunesse révolutionnaire Ouagasolé à l'époque qui ont joué un rôle important dans ce qui s'est passé en 72. Aujourd'hui, ils peuvent venir témoigner comme des jeunes. Nous étions des jeunes, on a fait ceci, on a été utilisés de cette manière, voilà ce qu'on a fait. En 93, même chose, on a connu beaucoup de mouvements de jeunes, des sans échecs, des sans défaites, des GDBU, des jeunes du Paripéoutou FNL, des jeunes du CNDD-FDD. On peut les amener comme des jeunes de l'époque. Quel a été leur rôle? Comment ils ont été affectés? Comment ils ont affecté d'autres? Et ils peuvent témoigner. Comme ça, ils vont servir d'exemple ou d'expérience de la jeunesse aujourd'hui qui se considère comme ignorante. Une jeunesse aujourd'hui qui est manipulée, et la manipulation normalement vient de l'ignorance. S'il y a cette implication de cette jeunesse des époques passées conflictuelles. Et puis, la CVR aujourd'hui demande à la jeunesse de participer dans la recherche de cette vérité. Comment, vous me posez la question probablement, comment la jeunesse ailleurs commence à demander leurs parents, qu'est-ce que vous qui étiez jeune à l'époque vous avez fait? Comment est-ce que vous avez vécu une situation pareille? Comment est-ce que vous vous êtes pris? Quel a été votre rôle? La jeunesse demande pour savoir. La jeunesse aujourd'hui, à part demander, la jeunesse connaît beaucoup de maîtrise, beaucoup aujourd'hui, les techniques d'information, de technologie, ce qu'on appelle communément les TIC. Aujourd'hui, ils peuvent aller sur Internet, faire des recherches. Qu'est-ce que la jeunesse a joué comme rôle dans les années passées? Qu'est-ce que la jeunesse a joué au Rwanda comme rôle dans les conflits? Qu'est-ce que la jeunesse du Liberia? Pour savoir finalement, la jeunesse c'est quoi? Quel doit être le rôle et comment éviter? Et dans d'autres pays, on demande les jeunes à l'école ou ailleurs de dessiner, de chanter pour montrer la traçabilité, comment eux, ils comprennent les violences du passé. Finalement, impliquer les jeunes dans ces mécanismes de justice transitionnelle, c'est penser les plaies du passé pour préparer un futur meilleur. C'est penser les blessures du passé pour bien gérer le présent et préparer plutôt le futur meilleur. Il ne faut jamais oublier le passé, plutôt le présent. Parce que je suis en train de ramener les actes du passé, je les mets au présent, je vis maintenant et cette jeunesse vit aujourd'hui même. Comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui, en ayant connaissance de son passé, se comporte? Aujourd'hui même, pas dans le futur. Aujourd'hui, comment je dois gérer ce passé que je viens d'entendre, un passé bouleversant? Et comment finalement je vais préparer l'avenir? Un avenir différent du passé que je viens d'entendre dans le présent, maintenant, ici et maintenant. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission Forum Jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez tenus compagnie. On parlait de l'implication des jeunes dans les activités de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubairo. Bonne suite des émissions de la radio Isanganiro. Thank you.